franceinter.fr. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Berthe Morisot, profession peintre. On dit d'elle qu'elle est la peintre du bonheur, ou encore celle qui parmi les impressionnistes a peint le mieux les jardins en fleurs, les mères et les bébés. Ouh là là, on voit tout de suite venir le danger. La peinture de Berthe Morisot serait charmante, autrement dit inoffensive, autrement dit décorative, autrement dit féminine. Le génie de Berthe Morisot, car il s'agit bien de génie, tient peut-être à son art si subtil de suspendre le temps et d'attraper la lumière. La nonchalance d'une jeune fille tenant une ombrelle, le regard d'un enfant occupé à ses pâtés de sable, l'amour inquiet d'une mère penchée sur un berceau. Peindre l'intensité d'un moment et l'apparente simplicité de la vie. Berthe Morisot était belle, tourmentée, originale, mystérieuse, si troublante qu'Édouard Manet, son maître et peut-être aussi son amant, en fit son modèle préféré. Elle aurait pu se contenter d'être une muse, mais, quelle audace en ce milieu du 19e siècle, elle a choisi une autre voie, plus difficile mais ô combien plus grisante, devenir peintre. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Marianne Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art et directrice de collection au musée Marmottan-Monet à Paris. Vous connaissez bien Berthe Morisot, puisque c'est vous qui étiez la commissaire de la grande rétrospective de cette artiste, organisée en 2012. Alors aujourd'hui, est-ce que Berthe Morisot est reconnue aujourd'hui enfin comme artiste impressionniste, à l'égal des Monet, des Degas, Renoir, Pissarro, Sisley et des autres? Alors on peut dire oui et on peut dire non. Oui, parce que Berthe Morisot est sortie de l'ombre dans laquelle elle va rentrer à sa mort en 1895. Et en ce sens, elle partage le destin d'un autre de ses collègues, qui est Caillebotte, et qui, comme elle, était un artiste bourgeois, qui ne vend pas son œuvre, qui meurt prématurément, et qui donc ne va pas bénéficier d'un succès que les impressionnistes connaîtront, mais qui est un succès tardif. Berthe Morisot meurt jeune, et effectivement, eh bien, son œuvre va rester entre les mains de ses descendants, et très longtemps ne sera pas regardée. Alors aujourd'hui, on l'a redécouverte, comme on a redécouvert Caillebotte, et c'est effectivement une artiste dont on admire l'œuvre, mais aujourd'hui encore, on analyse sa production artistique au regard de sa féminité, plus encore que par rapport à véritablement l'apport qu'elle pourra avoir de frontièrement original et artistique au sein de ce groupe. Parlons business, si j'ose dire. Quelle est sa valeur marchande? Parce que c'est quand même aussi comme ça qu'on juge un artiste. Elle est à l'égal des impressionnistes. Alors, elle n'a pas la cote d'un Monet encore, mais effectivement, Berthe Morisot est une des artistes les plus recherchées dans le monde et les grands musées cherchent tous à acquérir des œuvres majeures de cet artiste qui est très peu représentée dans les collections publiques. Le musée Marmottan-Monet a hérité des descendants de Berthe Morisot et donc présente le premier fonds mondial d'œuvres de l'artiste. Mais il faut savoir que l'État et les musées du monde entier ont très peu acheté des œuvres de la belle peintre. Et donc il est difficile de pouvoir en voir ailleurs qu'à Paris au musée Marmottan. Alors quand on cherche le nom d'une œuvre de Berthe Morisot, certains, ceux qui connaissent un peu, pensent au berceau, qui est un tableau assez célèbre, relativement célèbre, de Berthe Morisot. L'exercice n'est pas facile, mais est-ce que vous pourriez nous décrire quelques-uns de ces tableaux pour nous faire un peu une idée de son œuvre, justement? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Je vous dirais que ce qui fait la spécificité de Berthe Morisot, ce ne sont pas les thèmes de ses peintures. On parle souvent, justement, de ses portraits de jeunes femmes en fleurs, de ses mères accompagnées d'enfants, ou de certains paysages, même si Berthe Morisot n'aimait pas peindre les paysages tout nus. C'est une très jolie citation de l'artiste. Pour les impressionnistes, dont elle est, ce n'est pas ce qu'on peint qui a de l'importance, c'est la manière dont on le peint. Et donc Berthe Morisot va se distinguer de ses collègues les impressionnistes par trois points. Tout d'abord parce que sa facture, son pinceau est d'une liberté extrême. Et donc Berthe Morisot, observer sa peinture, c'est partager avec elle une certaine gestuelle. Alors à un moment, elle peut être extrêmement fougueuse ou au contraire très contenue. Elle peut être l'égale d'un Monet ou au contraire l'égale d'un Renoir. Elle est celle qui va avoir une ouverture d'esprit extraordinaire. C'est donc une artiste libre qui peint vite, qui peint, qui laisse avoir. Ensuite, c'est une artiste qui va se distinguer par sa palette. Les impressionnistes tous vont peindre en plein air et donc ils vont avoir une palette claire. La palette de Berthe Morisot, elle ne fait pas exception, elle est claire, mais elle est aussi pastel. On la reconnaît assez bleu azur, assez blanc nacré, assez rose, assez jaune. Bref, une palette qui fait le lien avec la peinture de Boucher, la peinture de Fragonard, quelle copie, et qui font d'elle une artiste qui est non seulement une impressionniste, mais qui crée un pont qui n'existait pas entre la peinture française du XVIIIe siècle et la peinture du XIXe. Berthe Morisot est née en 1841 et morte en 1895. Qu'est-ce que ça veut dire, vouloir être peintre quand on est une jeune fille au milieu du XIXe siècle? Par exemple, l'école des Beaux-Arts, elle est interdite aux femmes encore. Oui, jusqu'en 1897, l'école des Beaux-Arts est interdite aux jeunes filles. Et donc, les jeunes filles, tout d'abord, on ne les destine pas à la peinture. On les initie à la peinture d'agrément. Et c'est ce qui va être d'ailleurs le cas de Berthe Morisot, qui va se passionner pour le trait, pour la couleur, et qui va donc vouloir être peintre. C'est une vie, somme toute, relativement marginale et effacée. Et surtout, c'est une vie sans reconnaissance publique. On peut être reconnu par un cercle d'intimes, par un cercle d'amis, mais c'est aussi prendre conscience qu'on crée toute sa vie sans jamais avoir la reconnaissance de dire « je suis une profession de peintre et je suis reconnue dans la société en tant que telle ». Marianne Mathieu, nous reprendrons cette discussion dans environ 30 minutes. Tout de suite, Berthe Morisot, profession peintre, justement, un texte de Corinne Klomp, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Cédric Aussir. La lumière. Conquérir la lumière. Partir chaque jour à sa découverte, l'inspiration en éveil, le pinceau aux aguets. Capturer le rayon diaphane du soleil qui joue sur le visage d'un enfant endormi. L'apprivoiser et tenter de le faire glisser sur la toile dans une caresse. Que c'est difficile, que c'est exaltant. J'ignore comment je peins, mais je sais pourquoi. Pour animer la grisaille. Donner à mes toiles l'éclat que la vie ne possède pas. J'aimerais avoir le talent des poètes, composer des sonnets en hommage à la lumière. Hélas, je ne sais que peindre. Est-ce que je le sais seulement ? Un tableau, ça ? Du barbouillage. Belle impression, soleil levant. On y voit goutte. Quelle croûte. Le Monet ne vaut pas un sou. Que gêne, je suis au supplice, pardon. Calmez-vous. Le public s'amuse, mais il est là. Venez dans l'autre salle admirer vos toiles. Vous savez le temps que j'ai passé à les approcher. J'espère qu'elles le sont mieux qu'une lame au cœur dans ma poitrine. Allons, Berthe Morisot n'a peur de rien. Bien sûr que si. Hier, ma mère m'a dit qu'elle me croyait incapable de rien faire de sérieux. Elle a tort. Qu'avez-vous répondu ? Mère, le sérieux m'importe peu. J'essaye juste d'être moi-même. Bravo. Regardez. Vos œuvres attirent du monde. Jouons les espions. Je préfère jouer à rentrer sous terre. Il me plaît pas. Mais en même temps, il me plaît. À gauche, là. Le berceau de Berthe Morisot. Ah, attends. Une femme. Une femme ? Non, la femme. La seule en ce 15 avril 1874, parmi les 30 artistes qui inaugurent à Paris le premier salon des indépendants, bientôt surnommé les impressionnistes. Une vraie consécration. Alors âgée de 33 ans, Berthe Morisot est accompagnée de son soutien le plus fidèle, Eugène Manet, frère d'Édouard Manet. L'ouverture de l'exposition a lieu 15 jours avant celle du salon officiel de l'Académie, qui refuse régulièrement les œuvres jugées audacieuses. En choisissant le camp des rebelles, Berthe Morisot franchit un cap. Elle passe à l'âge adulte de sa vie de peintre. Fière de participer, elle craint aussi d'être raillée par le public et la critique. Parviendra-t-elle à balayer ses doutes, à faire de sa passion un métier ? Pourtant, elle n'est pas une débutante. Il est loin le temps de ses premiers cours de dessin chez Joseph Guichard en 1857. À l'époque, elle a 16 ans. Elle peint dans la joie et l'insouciance aux côtés d'Edma, sa sœur préférée de 2 ans son aînée, sa jumelle de cœur. C'est bien, Edma. Pour jeudi, vous me copierez ce nouveau dessin. Oui, monsieur Guichard. Berthe, en revanche, il vous faut recommencer. Encore ? Berthe, qu'est-ce donc que c'est facile ? Madame, l'impatience est le propre de la jeunesse. Mon enfant, il manque une marche à votre escalier. Rappelez-vous, le dessin est tout. Il précède la peinture, la couleur. Il donne à la toile ça. Sa puissance. Parfait. Madame Morisot, puis-je vous parler ? Les filles, allez m'attendre au jardin. Au revoir, monsieur Guichard. Au revoir. Vous ne vous ennuyez pas, madame, pendant ces leçons ? Pas une seconde. Je couds, je brode, et je profite de votre savoir. Vous êtes un grand artiste. Vous m'honorez. Madame, vos filles ont un véritable don. Mon savoir ne leur procurera pas un simple talent d'agrément. Non. Elles deviendront des peintres. Vous annoncez cela d'un ton... est-ce si terrible ? Dans le milieu de la grande bourgeoisie qui est le vôtre, ce sera une révolution et même une catastrophe. Aujourd'hui, vous riez, mais demain, une fois entré dans votre maison, l'art sera maître de la destinée de vos enfants. Soit qu'il entre. Le sang des peintres coule déjà dans nos veines. Je suis l'arrière-petite-nièce de Fragonard. Je sais. Mais... et moi, je sais ce que je veux. Que mes chers bijoux s'épanouissent grâce à vous. Je vous aurais prévenu. Les désirs de Marie-Cornélie Morisot sont des ordres. Ses filles continuent les cours, avec la bénédiction de leur père, ancien préfet du Cher et amateur d'art. À partir de 1858, Berthe et Edma deviennent copistes au Louvre, seule école accessible aux femmes. Les Beaux-Arts ne leur ouvriront leurs portes qu'en 1897. Au Louvre, les deux sœurs apprennent en copiant les grands maîtres et se lient d'amitié avec le peintre Henri Fantin-Latour. Mais elles s'ennuient vite et rejoignent en parallèle l'atelier de Camille Corot. Célèbre pour ses paysages, il les initie à la peinture de plein air. Le vent s'en mêle dans mes cheveux. J'ai l'air d'une sorcière. J'ai froid. Mon pinceau tremble sur la toile. L'effet est intéressant. On croirait cette fleur sur le point de s'envoler. Non. C'est grossier. Raté. Tout ce que je peins ressemble à ce qui a été peint. Du Corot, du Houdinot, en moins bien. Comment faire pour me trouver ? Reproduire ce que je vois, ce que je sens, à ma manière. Les bleus du ciel, la danse des nuages, ou la pose alanguie de cette femme penchée sur la rivière, comme sur un miroir de souvenirs. Je n'y arrive pas. Edma replie son chevalet. Elle me fait de grands signes. Il va pleuvoir. Edma. Sans elle, j'aurais déjà jeté ma palette et son fatras de couleurs. Je serais rentrée à la maison, en lambeaux. Mais avec elle, je me sens forte, courageuse, capable de tout. Tu es sûre ? Edma, réponds ! Oui, 1000 fois oui ! Oh, donne-moi cette lettre ! Quelle peste ! Que se passe-t-il ? Je vous entends depuis le jardin. Edma, dis-lui. Non, toi. Ensemble. Prête. Mère, nous sommes au salon. Oui, je le vois bien, vous êtes au salon et vous faites un joli raffut. Mais non, au salon des artistes, le salon de l'académie. Comment? C'est écrit là. Ils ont choisi 2 toiles pour chacune de nous. Les sœurs Morisot entrent dans l'histoire de l'art. Mon Dieu, c'est vrai. Mes bijoux, vous êtes sélectionnées pour la première fois. Mais pas la dernière. Nous n'arrêterons jamais la peinture. Rien ni personne d'autre ne comptera. Edma, tu promets? Je le jure. Après la première sélection de ces filles au salon officiel de 1864, leur père leur fait construire un atelier dans le jardin de leur maison, rue Franklin à Passy. Le symbole est fort. Edma et Berthe n'auront plus à ranger leurs pinceaux dans un placard du salon, ni à masquer leurs toiles derrière un paravent lorsque leur mère reçoit à dîner. Entre 1865 et 1868, elles sont reçues à chaque salon officiel de l'Académie. Mais leur duo n'attire guère l'attention des critiques, qui les qualifient de peintres de ménage. Au cours de l'hiver 1868, lors d'une séance de copie au Louvre, elles reçoivent, grâce à Henri Fantin-Latour, une visite inattendue. Mademoiselle, vous m'observez comme si vous étiez face à un fantôme. Je suis désolée, monsieur Manet, c'est que vous ne ressemblez pas à votre... À ma réputation. Je comprends. Vous attendiez un révolutionnaire, vous voilà face à un gentilhomme. Déçu? Au contraire. Je veux dire, non. Ma chère Edma, c'est un drame. Édouard Manet n'exhale pas le même parfum de scandale que ses toiles. Scandale involontaire, Henri. Je peins ce que je vois, non ce qu'il plaît aux autres de voir. Mademoiselle, vous permettez? Berthe, si vous le laissez emprunter votre pinceau, il va finir par peindre à votre place. Et tout autre chose. Je saurai l'en dissuader. Un seul de vos regards suffira. Tenez, monsieur. Aimez-vous copier Rubens, mademoiselle? Je ne copie pas. Je m'inspire. Pas vous? Toujours. De Velázquez, surtout. Comme lui, je travaille à accentuer le contour. Ici. Pour faire ressortir les contrastes. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Le dessin me paraît... brutal. Édouard, je t'avais prévenu. Berthe Morisot ne s'en laisse pas compter. Mais j'ai encore un âge où il est bon d'apprendre. Pas avec n'importe qui. Je ne sais comment interpréter cette phrase. Comme un compliment. J'ai vu votre célèbre toile, Olympia, au salon il y a 3 ans. Elle m'a émue. Moi aussi. Elle était accrochée dans la salle des M avec certains de nos tableaux. Vous souvenez-vous? Il y a tant de toiles au salon. L'ami Manet ne s'habitue pas à voir peindre les femmes. Pourquoi donc? Cela vous choque? Cela m'étonne. En peinture, les femmes sont des modèles, pas des confrères. Enfin... Bref, je conçois mal qu'elle se lance dans un tel combat. On conçoit mal ce que l'on connaît mal. Peut-être. Mesdemoiselles, j'ai été ravi. Vous venez, Henri? Au revoir. Au revoir, monsieur Manet. Tu l'as vexé. Il est charmant. Il est marié. Edma, concentre-toi. Tu as entendu? Peindre est un combat. Après cette rencontre, Édouard Manet écrit à Henri Fantin-Latour: les sœurs Morisot sont charmantes. Dommage qu'elles ne soient pas des hommes. Mais elles pourraient servir la cause de la peinture en épousant des académiciens pour semer la discorde chez ces gâteux. Venant d'un peintre pourtant connu pour son esprit frondeur, ses réflexions soulignent les obstacles, voire le mépris, que Berthe et sa sœur doivent affronter. Pour une femme, la peinture ne saurait être un métier, mais un passe-temps, vite oublié après le mariage. Si Berthe suscite un vif intérêt chez Manet, c'est d'abord en tant que modèle. Avec son allure sensuelle et fière, son regard tourmenté, sa longue chevelure noire et sa minceur maladive, elle l'inspire. La première fois que je l'ai vue, j'ai senti un soleil me pousser dans le cœur. J'ai tenté de résister, jouer la froideur, en vain. Édouard. Dans la vie, je n'ose l'appeler ainsi, mais dans mes rêves, tout est permis. Édouard a une charmante nature qui me plaît diablement. Je pars à son atelier en voyage, à la découverte d'un monde joyeux, peuplée de courtisanes, de toreros et de buveurs d'absinthe. Comme j'admire la force de son dessin, la violence de ses couleurs et son fameux noir. Pendant mes longues heures de pause face à lui, je m'abandonne. J'oublie mon chaperon de mer qui nous jette un regard à la dérobée. J'oublie mon Edma chéri. J'oublie de peindre. À cause de lui, je néglige mon travail. Je me détourne de mon chemin. Je joue le rôle banal qu'il attend d'une femme, posée et se taire. Je crains de ne rien présenter au salon l'an prochain. Cette idée me désespère. J'enrage, mais je ne peux pas lutter. Amoureuse, Berthe Morisot, probable. Même si elle n'avoue rien à sa sœur, même s'il n'existe aucune trace de sa correspondance avec Manet, elle ressent une forte attirance pour le peintre. C'est réciproque. En 1868, date de ses premières séances de pose, Berthe a 27 ans, Édouard 36. Il est dans la force de l'âge et de son talent. Il est aussi marié, depuis 5 ans, à Suzanne, une pulpeuse hollandaise qui fut sa professeure de piano. À l'évidence, Manet aime les femmes. Pourtant, au sein de son atelier rue Guyot, Berthe et sa beauté du diable détrônent vite les autres modèles. Des filles peu farouches payaient 10 francs la séance. Aucune femme n'aura autant posé pour lui. Au total, Manet va réaliser 11 portraits de celle qu'il surnomme son porte-bonheur. Sur le premier, intitulé « Le balcon », Berthe rayonne en robe de mousseline blanche. Mais début 1869, un événement vient obscurcir son ciel. Tu avais promis. Berthe, calme-toi, tu vas abîmer ta toile. Mieux. Tu avais juré. Rien ni personne d'autre ne compterait que toi, moi et la peinture. La peinture ? L'an dernier, j'ai peint toute seule, tu passais ton temps chez... J'ai 30 ans. Après, il sera trop tard. Trop tard pour quoi, Edma ? Pour vivre une vie d'ennui, comme notre mère ? Avant d'être une femme, tu es une artiste. Je me marie, c'est tout. Cela ne changera rien entre nous. Par quel miracle? Tu pars vivre à Lorient avec ton officier de marine, ton Rodolphe. Adolphe. Adolphe Pontillon. Peu importe. Je maudis Manet de te l'avoir présenté. Ça, ce n'est pas gentil. Vraiment. Edma, chérie, pardon. Je ne voulais pas. Non, ne pleure pas, je t'en supplie. Sans toi, je suis perdue. Je t'écrirai. Promis. Et cette promesse, je la tiendrai. De nous deux, c'est Edma la plus douée. J'ai entendu Corot le confier à mère un jour. Mais depuis son mariage, Edma ne peint plus. Du tout. Je ferais mieux de l'imiter. Regarde cette toile. Un vulgaire essai de barbouilleur. Le ciel est fade, les nuages semblent pétrifiés. Et la lumière, où est-elle passée? La perfection ou la mort? Jamais je ne serai peintre. Voilà. Ce tableau est plus joli ainsi. Au suivant. J'aimerais avoir le courage de retourner ce couteau contre moi. Lacérer mes angoisses, mes migraines infernales. Mon corps est mon meilleur critique. Il me fait payer ma médiocrité. Oui, Manet, la peinture est un combat. Je vais arrêter de poser pour lui. À quoi bon perdre mon temps à le voir explorer son génie? Je le laisse à sa femme, la grosse Suzanne, et à sa nouvelle muse, Eva Gonzalez. Elle a 20 ans, elle est belle, elle peint. Faux! Elle copie! Manet a osé l'immortaliser en train de peindre. Jamais il n'a fait cela pour moi. Je le déteste. Je les déteste tous. Sauf Edma. Pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Malgré ses velléités d'indépendance, Berthe continue à poser pour Manet. L'atelier du peintre devient son refuge, car la maison des Morisot lui paraît sinistre depuis le départ d'Edma. Pour combler le vide, Berthe s'obstine à peindre. Elle séjourne souvent en Bretagne, faisant de sa sœur son modèle favori. Une façon de la garder près d'elle, de perpétuer leur complicité. L'été 1869, elle passe 2 mois à Lorient et revient avec plusieurs toiles. Sous l'influence de Manet, Berthe privilégie les scènes banales du quotidien. Mais elle puise son inspiration au sein d'un univers exclusivement féminin, dans lequel dominent l'enfance et la maternité. Elle cherche à reproduire l'insouciance et la sérénité qui lui font défaut, avec acharnement, souvent dans la douleur. Cher Edouard, vous voici enfin. Je ne serai jamais prête pour le salon. Je n'arrive pas à finir mon tableau. Je vais vous aider. Mais avant, laissez-moi regarder vos dernières créations bretonnes. Celle-ci, par exemple. Comment s'appelle-t-elle ? Vue du petit port de Lorient. Je l'ai peinte cet été chez Edma. Elle est fort réussie. Ne vous moquez pas. Je n'ai pas le cœur à rire. Chef-d'œuvre. Pardon ? Au risque de vous éloigner de moi, je l'avoue, l'air de la Bretagne vous inspire. Vous êtes sérieux ? Je vais devoir réviser mon jugement sur les femmes et la peinture. Bravo. Eh bien, prenez-la, cette toile. Je vous l'offre. Si je garde un chef-d'œuvre dans mon atelier, je ne serai plus jamais capable de peindre. Prenez, j'insiste. C'est un honneur, merci. Maintenant, par pitié, occupez-vous de la toile qui me cause du chagrin. Où est-elle, la traîtresse ? Là, devant vous. Alors ? Ma chère, je partage votre chagrin. Edma chérie, la cause de mon malheur se nomme la lecture. C'est la toile qui te représente assise, à côté de mère, te lisant un livre. Te souviens-tu ? J'ai voulu travailler le contraste du noir et du blanc. Un jeu d'ombre et de lumière crue, comme Manet. Quelle idée de m'aventurer sur ces traces. L'autre jour, à ma demande, il vient m'aider et se met à retoucher le bas de la robe de mère. Une fois lancé, rien ne peut l'arrêter. Il passe du jupon au corsage, aux mains, à la tête. Il fait mille plaisanteries. Il me donne la palette, la reprend. Il rit. À 5 heures du soir, nous avions fait la plus remarquable caricature. Bonne à être livrée en pâture au salon. Mère trouve l'aventure drôle. Je la trouve navrante. Ma toile m'a échappé. Elle a perdu toute sincérité. Elle est devenue un Manet. Ma chère Berthe, tu m'écris que tu préférerais être au fond de la rivière plutôt que de savoir la lecture acceptée au salon. Tu exagères. Ne laisse pas une contrariété se muer en catastrophe. Je sais, tu détestes copier et tu n'aspires qu'à une chose, trouver ta voie, inventer ton univers. Patience. Tous les grands artistes accueillent les influences. À commencer par ton cher Édouard, qui ne jure que par Goya et Velázquez. Au lieu de vouloir sombrer dans la rivière, va au bord de l'Oise et peins une jolie toile. Ou viens chez nous, rompre ta solitude et sortir Manet de ton esprit, de ta palette et de ton cœur. Fin 1869, la relation entre Berthe Morisot et Édouard Manet évolue. Celui-ci reconnaît en elle non seulement la femme ou l'amante, mais aussi l'artiste. Il la consulte sur ses propres œuvres d'égal à égal. Berthe prend confiance. Elle commence à se détacher de l'influence de Corot, mais aussi de Manet, dont elle sent qu'il ne quittera ni sa femme, ni les femmes. Durant la guerre de 1870, puis durant la Commune, elle se découvre une passion pour l'aquarelle. Après la guerre, Manet, déprimé, n'arrive plus à peindre. Mais Berthe a du courage pour deux. Si elle pose encore pour lui, elle se concentre sur sa création. Son style devient plus spontané, son pinceau se libère. Il effleure la toile, esquisse à peine les contours, semant des touches qui s'entremêlent pour produire une impression d'inachevé. Sa palette s'éclaircit et se teinte de couleurs vives, loin des tons attristés de Manet. Seule ombre au tableau, son atelier a été détruit en 1871 lors du siège de Paris. Pour peindre, Berthe Morisot doit se réfugier dans sa chambre. Regarde ce que je... Mère, 100 fois je vous ai supplié de frapper. J'ai encore dérapé sur ma toile. Mange plutôt ce gâteau. Ta maigreur fait peur. Je n'ai pas faim, je peins. Et ta coiffure? Mon Dieu, regarde-toi. Je ne vais pas au bal, je peins. Peindre? Tu n'as que ce mot-là à la bouche. C'est ma passion. Je ne comprends pas. C'est vous qui nous avez poussés avec Edma à prendre des cours chez M. Guichard. Maudit Guichard! Il avait raison. La peinture, c'est une catastrophe. Celles qui ont voulu être des artistes l'ont payé cher. Ta passion n'est pas un avenir pour une femme. La preuve, il n'y a pas de féminin à peindre. Si, une peintre. Au lieu d'épouser la peinture, épouse un bon mari. Mère, vous n'allez pas recommencer. Berthe, tu as 30 ans passés, le temps n'est plus ton allié. Dans quelques années, tu auras moins de charme et plus de solitude. J'ai supporté la guerre. Je peux tout supporter. Hier, je suis allée à l'atelier de ton Manet. Je l'ai trouvé en train de jubiler devant Eva Gonzalez. Une artiste accomplie. Tant mieux pour elle. Et pour lui? Vous perdez votre temps. La peinture est le seul but de mon existence. Je ne renoncerai pas. Donnez votre gâteau aux oiseaux! Berthe tient bon et refuse tous les prétendants que sa mère lui propose, car Marie-Cornélie Morisot veut la désensorceler des peintres qu'elle fréquente. Edgar Degas, Édouard Manet et récemment Eugène Manet, frère cadet du peintre. Un séduisant garçon au discours tonitruant, un dangereux républicain que Madame Morisot prend pour un fou. En 1872, Berthe expose au salon officiel son portrait de Madame Pontillon, un grand pastel d'Edma vêtu de noir. Durant l'été, pour la première fois, elle réussit à vendre au marchand d'art Paul Durand-Ruel une toile et trois aquarelles. Edma chérie, je n'en reviens pas. Peindre pourrait être un métier pour moi, qui passe ma vie à donner mes toiles. Je l'avoue, j'ai soif de gagner un peu d'argent, d'être reconnue pour mon travail. Comme me le répète sans cesse Édouard Manet, je dois me faire payer très bien pour être traitée avec considération. Hier, j'ai demandé à un monsieur 500 francs pour le portrait de son fils au pastel. J'en avais le souffle coupé. Dire que mon seul souci devrait être de me dénicher un mari et de rendre son sourire amer. En vérité, je n'ai pas besoin de cet argent. Et puis, est-ce que je le mérite ? Berthe, la fin de ta lettre m'a arraché un cri. Bien sûr que tu mérites d'être payée pour ton art, grassement. Ce diable de Manet a raison. Il est trop tard pour reculer. Tu as ta vie d'artiste devant toi. Tu ne veux pas passer pour une peintre du dimanche. Il faut oser. Je suis les conseils d'Edma. J'ose. Je ressens une démangeaison de peindre devant tout ce que je vois. Cette belle jeune femme en robe blanche, par exemple, qui joue avec son enfant autour du cerisier. Attendre, fixer quelque chose de ce qui se passe, une émotion. Maintenant, voilà, un moment de gaieté. Vite, avant qu'il ne s'efface. Faire jaillir les couleurs et laisser au monde sa transparence, sa clarté. Je joue, moi aussi. Cache-cache, voilà le nom de ma nouvelle toile. Cache-cache avec la vie et les souvenirs, bons ou mauvais. Je vais la proposer au prochain salon. Cher Édouard, cessez un instant de peindre. J'ai pris une grande décision. Vous avez devant vous la seule femme membre de la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Encore des marginaux qui veulent révolutionner la peinture? Ces marginaux comptent parmi vos meilleurs amis. Degas, Monet, Renoir, Sisley. De tout petits artistes de rien, j'en conviens. Avec de grands rêves d'indépendance, loin des censeurs de l'Académie. Vous perdrez votre temps à jouer leur muse. Leur muse? Pour vous, décidément, les femmes ne sont que des sources d'inspiration, jamais de création. Bonne à coucher sur vos toiles ou bien dans votre... Berthe. Navré de vous décevoir. Vos amis m'ont conviée dans leur groupe pour ma peinture. Le nom et le talent de Mademoiselle Berthe Morisot font trop notre affaire pour nous en passer. Ce sont les propos d'Edgar Degas. Sur ce point, je lui donne raison, on ne peut se passer de vous. Vous y parvenez très bien, il me semble. Grâce à votre chère Eva Gonzalez... Berthe, ne recommencez... Je sais, vous n'aimez pas les scènes, je ne suis pas venue pour ça. je viens vous proposer de rejoindre les indépendants. D'exposer avec eux, à mes côtés. Manet, Morisot. Morisot, Manet. Ensemble, enfin. Perspective ô combien séduisante, mais cela ne sert à rien. Seul le salon officiel compte. Un salon qui vous maltraite depuis 20 ans ? Et qui m'a donné une médaille cette année. Je veux continuer à recevoir ces honneurs. Je ne serais pas fâché de lire de mon vivant l'article épatant que les critiques me consacreront après ma mort. Être reconnu par des ignorants ? Quelle joie ! Mon cher... N'insistez pas, c'est non. Maintenant, excusez-moi, je dois terminer cette toile. Mon bal masqué. Elle vous plaît ? Pourquoi vous préoccuper de mon avis ? L'important est qu'elle plaise au salon. Quel caractère ! Au fond, vous n'êtes qu'un bourgeois. Sage dans votre vie, avec votre confort, vos habitudes. Sage dans votre art, à tout sacrifier pour la gloire. Vous avez peur. Pas moi. Berthe, n'exposez pas avec les indépendants. J'expose avec qui je veux, Édouard. Je ne vous appartiens pas. Le public se fera une joie de ne pas venir. Votre frère se fera une joie de m'y accompagner. Regardez. Vos œuvres attirent du monde. Jouons les espions. Eugène, je préfère jouer à rentrer sous terre. Il me faut ce tableau. Il me plaît pas. Mais en même temps, il me plaît. À gauche, là, le berceau de Berthe Morisot. Ah, attends. Une femme. Ben, tu pleures ? Pourquoi ? Je sais pas. Ça me fait drôle. Ça me rappelle la naissance du petit. C'est beau. Eugène, je veux la vérité. Vous les avez payés, ces gens. Ma chère amie, vous êtes incorrigible. Présenté avec Cache-Cache et sept autres de ses toiles au premier salon des indépendants, en avril 1874, Le Berceau demeure l'œuvre la plus célèbre de Berthe Morisot. Il représente sa sœur Edma, en robe sombre, qui veille sur le sommeil de sa deuxième fille. Jouant sur la lumière et la transparence du voile sur le berceau, l'artiste crée une œuvre intime où l'amour et la paix règnent en maître. Mais le bilan du salon est catastrophique. 3500 visiteurs contre 400 000 pour celui de l'Académie. Faute d'acquéreurs, les peintres vendent leurs toiles aux enchères à Drouot. Pire, ils sont éreintés par la critique, qui leur reproche de « déclarer la guerre à la beauté ». Ironisant sur le tableau de Monet, « Impression soleil levant », un journaliste titre sa chronique « L'exposition des impressionnistes », baptisant le groupe pour l'éternité. Berthe, quant à elle, est plutôt épargnée, certains allant jusqu'à lui reconnaître de l'esprit jusqu'au bout des ongles. Une part de gâteau, monsieur Guichard ? Volontiers. Merci. Et vous, Berthe ? Elle ne mange rien. Mère, je dois être légère pour que ma peinture le soit aussi. J'étais là l'autre soir, au vernissage des indépendants. Et ? Mon cœur s'est serré de voir vos œuvres si gracieuses parmi... Non, je crains pour votre état mental. Mon Dieu. Non, on ne vit pas impunément avec des fous. Vous risquez de perdre votre réputation et votre talent. Je me moque de ma réputation. Quant au talent, qui peut prétendre le posséder ? Berthe, je vous en conjure, rompez avec cette bande. Fidèle aux indépendants, Berthe Morisot s'affranchit de ses anciens maîtres. Elle ne participera plus à aucun salon officiel. Fin 1874, à 33 ans, elle cesse de poser pour Édouard Manet et épouse son frère Eugène, âgé de 40 ans. Longtemps hostile à son futur gendre, Madame Morisot capitule, tout plutôt que le célibat. Eugène vit de ses rentes. Peintre du dimanche, il se bat pour mettre la carrière de sa femme en valeur. Contrairement à Berthe, qui s'est mariée par peur de la solitude, il est très amoureux. Il veut faire d'elle la plus choyée de la terre. Une mauvaise nouvelle ? Rien, ma chère amie, concentrez-vous sur votre toile. Ne vous souciez pas... Ah non, trop, c'est trop. Je vais le provoquer en duel. Encore ? C'est la troisième fois cette semaine. Vous allez y laisser votre santé. Qui voulez-vous tuer ce matin ? Ce scribouillard du Figaro. Écoutez donc. On vient d'ouvrir chez Durand-Ruel une exposition qu'on dit être de peinture. Elle est le fruit de 5 ou 6 aliénés, dont une femme, tous atteints de la folie de l'ambition. Des aliénés atteints de folie, cela me semble cohérent. Ils ont attaché un vieux pinceau à un balai pour s'en faire un drapeau. Le drapeau des intransigeants. Eugène, je ne veux plus m'occuper du public ou des critiques. Je travaille, c'est tout. Rentrons, je dois préparer mes affaires. Vous m'abandonnez ? Quelques jours. Visiter ma chère Edma. Et votre peinture ? Elle part dans ma valise avec ma palette. Et moi ? Vous restez ici, à vous battre en duel. Ne soyez pas jaloux, l'oiseau revient au nid. Sans lui, je me sens perdu. Son charmant plumage, son joli ramage me manquent. Cher Eugène, l'excellent homme. Plus je le découvre, plus je devine ce qu'il a en lui de bonté et d'intelligence. Il m'a fait le cadeau le plus précieux. Notre fille, Julie. Mon soleil. Ma vie. Je n'ose confier cela à personne, pas même à Edma. Depuis sa naissance, je ne peins plus. Du tout. Et j'aime ça. Je passe mes jours à observer ce petit chat, ronde comme une boule, avec ses yeux rieurs. Elle ne me ressemble pas. C'est une manée. Pourvu qu'elle hérite aussi de leur confiance. Très vite, Berthe se remet à peindre, creusant son sillon au sein des impressionnistes à Londres, New York, Bruxelles. Fin mai 1892, à Paris, sa peinture est la vedette d'une exposition initiée par Eugène. Le public se presse pour admirer les 40 toiles de la belle peintre. La critique salue la franchise de son improvisation. Malgré ses doutes et les difficultés, Berthe Morisot a su faire de sa passion un métier. Pourtant, son certificat de décès en mars 1895 portera la cruelle mention « sans profession ». Berthe Morisot, profession peintre, de Corinne Clompe avec Camille Blouet, Berthe Morisot, Marilyn Fontaine, Edma Morisot, Emmanuel Lemire, Édouard Manet, Yves Pignot, Joseph Guichard, Isabelle Gardien, Marie-Cornélie Morisot, Pierre-François Garel, Eugène Manet, Guillaume Marquet, Henri Fantin-Latour et les voix de Charlotte Junière, Sylvie Huguel, Régis Romeleu et Pierre Mignard. Prise de son montage et mixage, Claude Nior et Guillaume Ledu, bruitage Sophie Bissantz, assistante à la réalisation Julie Briand, réalisation Cédric Ossir. Mais on ne quitte pas Berthe Morisot, dans quelques minutes on continue la discussion avec l'historienne d'art Marianne Mathieu. L'histoire avec Stéphanie Duncan. Bonobo, Break Apart, dans Autant d'emporte l'histoire, une émission réalisée par Hélène Bizio, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Serge Viguier. Marianne Mathieu, on voit donc Berthe Morisot a dû se battre beaucoup quand même pour devenir peintre, à la fois contre les préjugés de son époque, mais aussi contre elle-même, contre ses propres doutes, hein, qui n'est d'ailleurs a très éloigné ses préjugés, probablement. Est-ce qu'elle était légitime ? Elle se sentait légitime à devenir peintre ? Je crois qu'elle était peintre, tout simplement. Berthe Morisot est une femme qui, toute sa vie, va être insatisfaite, d'ailleurs, comme à Monet, et leur correspondance, d'ailleurs, en témoigne bien. C'est une femme qui doute, et c'est une femme qui veut faire une œuvre originale. C'est pour ça qu'il est absolument insoutenable pour Berthe Morisot d'évoquer le titre de maître. Elle ne considérait pas Manet comme son maître. Et Guichard, son premier professeur, le lui disait. Quand on comparait son œuvre un jour à Corot, un jour à un autre, ce qui était aussi le cas de ses collègues impressionnistes, elle s'en plaignait. Et Guichard lui disait « Mais on doit bien être le fils de quelqu'un ». Ça lui était à ce point insoutenable que Berthe Morisot va détruire l'intégralité de son œuvre de jeunesse jusqu'au début des années 70 où elle estime qu'elle a trouvé sa voie. Oui. Et donc c'est une artiste qui ne va pas conserver ses premiers essais. Donc ça montre à la fois l'intransigeance de Berthe Morisot qui toute sa vie va faire œuvre quel qu'en soit le prix. Très étonnante, voire drôle même, cette discussion entre le professeur Guichard, qui, constatant l'immense talent des sœurs Morisot, déclare à la mère, elle parle d'une catastrophe probable si elles deviennent peintres. Oui, alors évidemment, être peintre, et on le dit très très bien dans la fiction, pour une femme, c'est avant tout être un peintre d'agrément. À la fin, on le voit encore, au décès de Berthe Morisot, comme c'est d'ailleurs le cas sur son acte de mariage, il est mentionné sans profession. Ce qui n'est pas le cas des autres collègues impressionnistes. Hein. Ils sont artistes peintres. Donc effectivement, il y a quelque chose de tout à fait surprenant, mais qui nous éclaire également sur le chemin qui était ouvert à Berthe Morisot. Sa famille était une famille extrêmement ouverte d'esprit, qui acceptait qu'elle pose pour Manet. Et les peintures, les grands portraits de Berthe Morisot, qui aujourd'hui figurent au panthéon des portraits du 19e siècle, notamment Le Repos, un grand tableau qui montre Berthe Morisot, grandeur nature quasiment, vêtue d'une grande robe blanche et allongée à demi sur un canapé, est quelque chose qui, au salon, va faire scandale. Oui, et puis poser pour un homme, être seule dans un atelier avec un peintre, c'est quand même pas fait pour les demoiselles de bonne famille. Oui, quand même. Alors elle pouvait être chaperonnée, mais en tout cas au salon, il va y avoir des caricatures et on va comparer la pose de Berthe Morisot à celle d'une femme de petite vertu. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais ému Marie-Cornélie Morisot et ce qui va permettre à Berthe de faire œuvre et profession de peintre malgré tout. Ce qui est très beau aussi dans cette histoire, je trouve, Marianne Mathieu, c'est la complicité entre les deux sœurs. Elles sont toutes les deux très douées, même s'il y en a une qui va abandonner en cours de route. Je pense qu'il y en a une qui est ce qu'on appelle dans la peinture une figure repoussoir, c'est-à-dire ce personnage qu'on voit de dos au premier plan du tableau et qui nous invite à rentrer dans la scène. Eh bien, Edma, c'est la figure en négatif de Berthe. C'est celle qui va avoir le même potentiel qu'elle. Guichard le dit, mais Degas, l'ami de la famille, le dira aussi. Mais Corot a dit que peut-être qu'elle était même plus douée que Berthe. Mais ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est la personnalité de Berthe? C'est la volonté. Ouais. C'est le fait d'avoir effectivement une volonté de créer coûte que coûte. Et Berthe le dit à Edma, lorsqu'Edma choisit de se marier, elle lui dit mais tu m'abandonnes, mais moi je veux être peintre. Et le choix d'Edma, qui va vivre en Bretagne, à Lorient, c'est finalement de devenir dans une certaine mesure une Madame Bovary. Les premières peintures que Berthe lui consacre, on la voit, sa sœur Edma, sa muse, hein, jusqu'en 1874, eh bien, seule, dans son salon, le regard perdu vers le lointain. Donc elle a effectivement renoncé à ce qui pouvait faire battre son cœur, ce qui ne sera jamais le cas de Berthe Morisot. Alors Berthe Morisot, elle est donc originale, rebelle, mais il y a cette relation quand même assez trouble avec Édouard Manet. Ont-ils été amants? Quelle était leur relation en dehors du fait, bon, on n'en sait rien, peut-être s'ils ont été amants ou non, mais en tout cas, elle a eu du mal à s'en défaire, elle a eu du mal à sortir de cette emprise peut-être, cette emprise du maître, même si vous dites qu'il n'aimait pas avoir un maître. Je continue de penser que Berthe Morisot n'a jamais considéré Édouard Manet comme un maître. Leur relation, elle est forcément riche. Elle reste, pour l'historien, je dirais, mystérieuse. Et je crois qu'aussi ce qui est important de dire, c'est que Berthe Morisot et Manet lui-même l'ont souhaité. Ils n'ont pas souhaité que leur rapport finalement soit connu. Il faut savoir, se rappeler que Berthe va épouser Eugène en 1874. Donc le frère d'Édouard. Exactement. Et finalement, Manet va peindre Berthe Morisot du jour où il la rencontre jusqu'au moment où elle va épouser son frère en décembre 1874. Alors pourquoi Berthe va-t-elle épouser Eugène, qui n'est pas présent à la première exposition impressionniste comme on l'imagine dans la fiction, mais qui sera présent dans beaucoup d'autres manifestations? Eh bien, je ne pense pas parce qu'elle a exclusivement peur de la solitude, mais aussi parce qu'elle n'a pas le choix. Qu'une femme sans tuteur masculin, eh bien, est en déshérence. Le père de Berthe Morisot meurt en janvier 1874. La première exposition impressionniste a lieu en avril. Et donc la convenance veut qu'on n'invite pas directement Berthe, mais qu'on sollicite Marie Corneli, sa mère, pour qu'elle puisse figurer à l'exposition. Et cette situation peut-elle durer longtemps? Eh bien non. En décembre, Berthe Morisot épouse Eugène, en noir, puisqu'elle porte encore le deuil de son père. Le noir qui lui allait très bien, qui lui allait si bien avec ses pantoufles roses. Berthe a eu la chance aussi d'avoir ce mari, qui est quand même extrêmement sympathique, qui la soutient dans son travail d'artiste. C'est quand même pas donné à toutes les femmes. C'est clair, c'est un couple d'une modernité, j'allais dire d'une contemporanité actuelle, comme il en est peu. Tout d'abord, Berthe Morisot, elle expose en 1974, elle n'est pas mariée, sous le nom de Morisot. Quand elle épouse Eugène Manet, elle devrait s'appeler Madame Eugène Manet, c'est d'ailleurs sous ce nom que ses amis l'appelleront. Mais elle signera toujours Morisot, et ça ne fera jamais débat. C'est une femme qui va se marier à 33 ans, qui va avoir son premier enfant en 1860. C'est beau cette histoire avec son enfant, cette Julie Manet qui va être très belle aussi. Qui va être formidable, qui est la seule descendante d'Édouard Manet, de l'oncle Édouard et de Berthe Morisot. Quelle généalogie, quelle responsabilité aussi hein, pour une petite fille qui sera orpheline très jeune. Et donc ces œuvres de Berthe Morisot, on peut les voir au musée Marmottan-Monet à Paris Effectivement, aujourd'hui. Au musée Marmottan-Monet à Paris, dans le 16e arrondissement, tout près de là où Berthe Morisot a peint ses scènes favorites. Eh bien, un ensemble unique au monde est présenté grâce aux descendants de Berthe Morisot qui ont légué leur collection particulière. Merci beaucoup Marianne Mathieu. Donc on peut, sur Berthe Morisot, on peut lire, regarder les magnifiques reproductions donc dans le catalogue très complet de l'exposition de 2012 publié chez Azan, ainsi que le livre de Dominique Bonnat, la biographie Berthe Morisot, le secret de la femme en noir, disponible en livre de poche. Autant n'importe l'histoire est terminé pour ce soir. Une émission à réécouter, podcastée sur notre site franceinter.fr. J'attends bien sûr vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, je vous invite au théâtre 1792, la comédie française dans la Révolution. L'histoire de Quentin, un jeune comédien du français, qui au beau milieu de la terreur révolutionnaire va être emporté par les tourments de l'amour, bien sûr, mais aussi de l'histoire, pas toujours tendre avec les artistes. 1792, la comédie française dans la Révolution. C'est dimanche prochain dans Autant d'emporte l'histoire.